Quand ma mère me voit m'habiller comme je m'habille, en pantalon et pull au vert qui monte au ras du cou, je sais bien ce qu'elle pense en me regardant. Elle se dit vraiment, cette fille-là ne me ressemble pas du tout. Et quand elle me voit étudier mon anglais ou mon latin, tout en écoutant les chansons que j'aime, ça l'étonne, surtout quand elle apprend que j'ai pu réussir à obtenir 20 sur 20 à tous les thèmes. Quand mon père me voit conduire une voiture de sport et prendre n'importe quel virage vraiment décontracté, il se dit en s'accrochant de toutes ses forces à son fauteuil, je suis certainement en train de rêver.